Chapitre 4. Un lac bouillant. L'accalmie ne devait pas durer plus de 2 mois. L'humanité apprit un soir que les États-Unis étaient taxés à leur tour, mais soit que les bandits fussent enhardis par leur premier succès, soit qu'ils rançonnassent les pays selon la faculté financière de ceux-ci. Cette fois, la somme exigée fut de 100 millions de dollars. Le gouvernement de Washington ne voulut pas baisser la tête. L'aigle qui planait dans un champ d'étoiles ne pouvait tolérer un pareil outrage. Le gouvernement refusa tout net, et les journaux américains s'en applaudirent, de souscrire à une mise en demeure si humiliante. À l'ultimatum, toujours le même, il répondit par une action énergique. Des corps de volontaires s'organisèrent partout, les flottes prirent la mer, guettant le ciel et l'eau, on dirigea un peu partout des pièces d'artillerie contre avions et des fusées torpilles, car on avait maintenant la certitude que le danger venait du ciel. De leur côté, les savants, les ingénieurs, se réunirent en 2 congrès pour mettre en commun leurs observations et leurs idées sur les meilleurs moyens à employer pour combattre le fléau. Tout cela avait été décidé et exécuté dans les 24 heures. Cette fois, l'ultimatum admettait, avant la réponse définitive, un délai de 3 jours. Le 2e jour, le congrès des savants, ainsi que celui des ingénieurs, se déclarèrent dissous, reconnaissant qu'en l'état actuel des sciences, ils ne pouvaient combattre un ennemi invisible disposant d'armes mystérieuses. C'était une première faillite. Depuis le premier des politiciens, des financiers, des hommes d'affaires de Chicago, de Washington et de New York, jusqu'au dernier des cow-boys des solitudes de l'Arkansas, on considéra cette impuissance comme une défaite. Il restait la lutte, et là, les États-Unis n'étaient pas encore vaincus. La première manifestation des Rajisrak se produisit en Géorgie, au nord d'Atlanta. 2 batteries de pièces à longue portée et un poste de fusée torpille avaient été établis là. 50 ans avant le jour où se déroulèrent les phases de cette attaque, des ingénieurs avaient construit sur un cours d'eau un énorme barrage, ouvrage vraiment cyclopéen, qui avait créé un lac artificiel d'une immense étendue. De ce lac partaient des canaux irriguant la campagne, et ainsi, grâce à lui, des millions d'hectares étaient fertilisés. Le 3e jour, à midi, ce qui fit supposer que les maîtres du froid et du feu voyaient ce qui se passait à terre et savaient en tirer profit, les 2 batteries, cependant camouflées, et le dépôt des fusils torpilles sautèrent, sans qu'on vît rien qu'un petit point noir dans le ciel. Les hommes qui devaient assurer le service de ces engins furent tous tués. Alors, le petit point noir du ciel grandit, une vague de chaleur commença à se faire sentir, puis elle augmenta à mesure que le nuage prenait plus d'importance. Immédiatement, la TSF et le téléphone, le télégraphe même, vieux mode de correspondance presque tombé en désuétude, marchèrent. Immédiatement aussi, des aéronefs militaires d'une rare puissance d'action furent envoyés de Washington. Le nuage, après s'être abaissé, parcourut une faible distance, s'arrêta au-dessus du lac et s'immobilisa. Il pouvait être 2 heures. La population épouvantée songea d'abord à pourvoir à sa sécurité. Les caves, bien peu nombreuses, furent prises d'assaut. Le couteau et le revolver assurèrent les accès aux plus résolus. D'autres prirent la fuite par les trains, qui furent envahis, par auto, par voiture, par cheval même. Sur une route, un clergyman en redingote, nu-tête, tenta de s'opposer à cet exode. Parlant au nom d'un dieu vengeur, lassé par les péchés du monde, il annonça la fin de celui-ci. Il prêcha le renoncement et l'obéissance aux décrets d'en haut. Parfois, sa voix dominait le bruit de la foule. « Il est lassé, le Seigneur. Sa justice s'abat sur le monde. La race de vipères va disparaître. Que le nom du Très-Haut soit vénéré dans sa colère. Et vous, tourbe de pécheurs aux oreilles closes, rentrez en vous-même. Frappez-vous la poitrine, tombez à genoux, au lieu de fuir pour sauver une misérable existence promise à son courroux. Les temps sont révolus, les temps sont révolus. » Mais la foule passa outre, et le clergyman fut emporté finalement comme un fétu. On le retrouva plus tard dans la campagne, les vêtements arrachés, un œil pendant sur la joue, et absolument fou. Les avions partis de Washington arrivèrent, cherchant l'ennemi, mais ils eurent le malheur de passer sous le nuage noir. Ce fut une faute qu'ils payèrent de leur existence, tous s'abîmèrent en flammes sur le lac ou ses berges. Au soir, les vivants qui restaient encore en ville, terrés dans quelques trous d'où ils sortaient pour un instant, virent avec épouvante s'élever du lac une énorme vapeur, qui formait au-dessus de lui un nuage vite résorbé. Mais, à partir de ce moment, il fut impossible d'approcher, à moins d'un mile, de la zone soumise directement au fléau. Les arbres s'allumèrent, énormes torches qui flambèrent dans la nuit. Des maisons s'incendièrent, communiquant le feu à d'autres. Le surlendemain, l'eau du lac se mit à bouillonner, et peu à peu, puis ensuite très rapidement, l'eau s'évapora. L'immense nappe d'eau disparut, la boue du fond apparut et se fendilla, comme le sont les terrains soumis perpétuellement à une très forte chaleur solaire. Par la suite, il fallut plus d'une année pour réparer les travaux d'art et remplir la cuvette. La terre, privée d'eau, redevint stérile et ne fut plus qu'un désert où errèrent de pauvres créatures pâles et faméliques. 3 jours après son arrivée, le nuage disparut au cours de la nuit. Mais les États-Unis devaient connaître d'autres infortunes. Dans le Texas, des champs de blé, des plantations de cotonniers de plusieurs milles d'étendue, des puits de pétrole s'enflammèrent. Puis il y eut une courte trêve, au cours de laquelle les Rajisraks firent savoir qu'ils accordaient un répit de 24 heures. Passé ce délai, tout New York serait détruit. Les États-Unis, vaincus, payèrent.